Lettre 40e. Quel est le parti qui jouit de la plus grande considération en France? Les carlistes, les légitimistes, les doctrinaires et les républicains. Tout vaut mieux que la République. Je me suis donné assez de peine pour découvrir, par les moyens qui se sont trouvés à ma portée, laquelle, entre les différentes opinions politiques qui se partagent la France, jouit de la considération la plus générale. On sait que si l'on demandait à tous les habitants d'une ville lequel d'entre leurs concitoyens ils regardent comme le plus capable de remplir une place honorable ou lucrative, chacun d'eux répondrait probablement « moi-même ». On sait encore que si, après l'aveu de cette partialité fort naturelle, on leur demandait encore quel serait le plus capable, à défaut d'eux-mêmes, et si une grande majorité de voix se réunissait sur le même citoyen, celui-là serait probablement considéré avec raison par le spectateur impartial comme étant en réalité l'homme le plus propre à l'emploi vacant. En jugeant d'après cette règle, le gouvernement qui convient le mieux à la France n'est ni républicain, ni militaire, ni doctrinaire, mais c'est le gouvernement monarchique, légitime et constitutionnel. Quand des hommes occupent des places qui donnent à la fois la puissance et la richesse, ils obtiennent nécessairement aussi de la considération. Il est par conséquent naturel, inévitable, que les ministres et leurs amis s'enorgueillissent des dignités et du pouvoir auxquels ils ont su parvenir. Mais si, détournant nos regards des hommes en place, nous cherchons dans le nombre de ceux qui ne possèdent ni honneur ni puissance, s'ils s'en trouvent, qui jouissent du respect et des hommages universels, je dirais sans crainte de me tromper que c'est parmi les légitimistes qu'on les rencontrera. Les doctrinaires triomphants ne se permettent contre eux aucune plaisanterie, aucun bon mot. Les caricatures qui garnissent les carreaux des marchands d'estampes ne s'adressent ni à ce qu'ils sont ni à ce qu'ils ont été. Les républicains ne parlent jamais d'eux, ni avec colère ni avec mépris. Toute leur fureur est dirigée contre le pouvoir actuel des heureux doctrinaires. Ceci, à dire vrai, est strictement conforme aux principes sur lesquels leur secte est fondée. Savoir que tout ce qui existe doit être renversé. Mais ni sérieusement, ni en plaisantant, ils ne montrent d'hostilité envers Charles X ou sa famille. Les murs des maisons de Paris, qui depuis près d'un demi-siècle ont été les confidents de leur spirituelle saillie, ne présentent rien qui attaque cette cause, soit sous la forme d'hiéroglyphes, de caricatures ou de satires. J'ai maintes fois prêté l'oreille à des plaisanteries, tantôt gaies, tantôt amères, à des raisonnements justes ou absurdes, pour ou contre les différentes doctrines qui divisent aujourd'hui le pays, mais jamais je n'ai entendu proférer ni injure, ni épigramme contre la famille exilée. Une sorte de silence sacré semble envelopper ce sujet, et quand par hasard la conversation s'en empare, ce n'est jamais dans un esprit d'hostilité. Henri. Ce nom se trouve tracé sur tous les murs de Paris, sans notes ou commentaires, et je n'en accepte pas les Tuileries eux-mêmes. Non loin du collège de Henri IV, où les jeunes princes d'Orléans font encore leurs études, se lisait il n'y a pas longtemps cette phrase bien intelligible « Pour aller à Bordeaux, il faut passer par Orléans ». En un mot, tous les sentiments d'irritation et de colère qui ont pu exister en 1830 et qui ont produit les scènes dont le résultat a été l'exil de la famille royale, se sont depuis complètement calmés. Il ne faut pourtant pas conclure de là que la majorité des Français soit disposée à risquer son précieux repos pour les rétablir sur le trône. Je suis convaincu que si une pareille tentative se faisait en ce moment-ci, elle échouerait, non pas par aversion pour le monarque légitime ou par amour pour le parent qui s'est mis à sa place, mais uniquement par le désir qu'ils ont de jouir en paix de leurs spéculations lucratives à la bourse, de leurs florissants restaurateurs, de leurs boutiques prospères et même de leurs tables, de leurs chaises, de leurs lits et de leurs cafetières. Mais le sentiment qu'inspirent les républicains est d'une nature bien différente. Jamais Napoléon, au jour de son pouvoir le plus absolu, ni les descendants de Saint-Louis, dans le temps de leur plus grande gloire, ne ressentirent autant d'horreur pour cette race inquiète et factieuse que ne le font aujourd'hui les doctrinaires. Ce n'est pas qu'ils les craignent, ils n'ont pour cela aucune cause réelle, mais ils éprouvent pour eux un mélange de haine et de mépris qui semble ne reposer jamais, et s'ils ne le tempèrent pas par la sagesse et la modération, il pourra éventuellement donner lieu à de nouvelles barricades, que toutefois les gardes nationaux sauront bien, je pense, facilement renverser. C'est contre cette clique abhorrée que s'exhale surtout la gaieté parisienne, quoiqu'il faille avouer pourtant que les doctrinaires ne laissent pas que d'y être en butte à leur tour. C'est une remarque que j'ai entendu faire par un garde national pendant que nous regardions ensemble quelques caricatures. Mais à dire vrai, les républicains paraissent vouloir, par principe, jouer le rôle de victime et de martyr des goûts satiriques de leurs compatriotes. Arlequin n'est pas plus fidèle à son ami bigarré que les républicains de Paris ne le sont à leurs grotesques costumes. C'est, je pense, pour faire preuve de courage qu'il se montre ainsi partout en saigne déployée. Mais l'effet n'en est pas moins bizarre. Les détails symboliques de leurs vêtements sont classés et lithographiés avec beaucoup de gaieté. On entend aussi un grand nombre des plaisanteries sur les personnes de l'Empire. Et quand elles s'attaquent à Louis-Philippe lui-même, on dirait que les caricaturistes sont animés du même enthousiasme avec lequel Garrick disait jadis « C'est pour mon roi, morbleu, je ferai de mon mieux ». Ce que je trouve de plus extraordinaire, dans toutes ces caricatures de murs et de boutiques, ce sont les libertés que l'on prend avec les personnes qui ont le pouvoir de les empêcher. Le principe de la législation sur ce point paraît être, avec une légère variante, celui de l'ancienne ballade. Les pensées, les paroles et les actes sont blâmés avec raison par le code. Mais certes, une plaisanterie n'est jamais passée pour de la sédition. En parlant des parties dans lesquelles la France se partage, les trois grandes divisions de carlistes, de doctrinaires, de républicains se présentent naturellement les premières à l'esprit et paraissent, surtout aux yeux des étrangers, renfermer la nation tout entière. Mais il suffit de passer un ou deux mois dans la société de Paris pour se convaincre qu'il y a bien des personnes qui ne peuvent, à vrai dire, rentrer dans aucune de ces classes. En premier lieu, ce n'est pas dans le parti carliste seul qu'il faut chercher ceux qui ne veulent pas que l'on traite une couronne comme un soulier, qui, lorsqu'il blesse la personne pour qui il a été fait, se passe au premier venu qui veut bien le payer. Le parti carliste, proprement dit, demande la restauration du roi Charles X, descendant immédiat et représentant de l'antique race de ses rois. Prince couronné et sacré roi de France, ce qui, tant qu'il vivra, fera que le couronnement et le sacre de tout autre prince deviendraient un acte sacrilège. C'est pour cela aussi que le roi Louis-Philippe n'a point été sacré. L'huile sainte ne l'a point encore fait roi de France, quoique je ne prétende pas dire qu'il ne le deviendra pas un jour. Henri IV, dit-on, s'écria sous les murs de la capitale « Paris vaut bien une messe ». Et il est probable que Louis-Philippe pense comme lui. Jusqu'à présent, pourtant, il n'a pu faire célébrer son sacre que militairement. Les formes civiles et religieuses lui sont également interdites. Les carlistes sont donc ceux-là seulement qui, rigoureusement, ne veulent d'aucun autre roi que du véritable. Les légitimistes forment, je crois, un parti beaucoup plus considérable. Aussi strictement attachés au trône et au principe de la succession régulière et légitime que le sont les carlistes, ils comprennent toutefois que les circonstances peuvent non seulement autoriser, mais encore obliger le pays à accepter ou plutôt à permettre l'abdication du souverain. Le roi ayant quitté le pays, cet exil volontaire est dans le petit nombre de causes qui peuvent justifier cette mesure. En conséquence, l'abdication de Charles X devient pour lui une sorte de mort civile en sa qualité de souverain. Mais, quoi qu'ils accordent cela, il ne s'ensuit point selon eux qu'une partie quelconque de la nation ait le droit d'offrir la couronne à qui elle veut. La loi de la succession, disent-ils, ne doit point être violée, parce que le roi a fui devant une insurrection populaire. Du moment où il a abdiqué, son plus proche héritier est nécessairement devenu roi. Toutefois, cet héritier, ayant jugé convenable de suivre l'exemple de son père, il est mort aussi pour la couronne, et c'est l'héritier de celui-ci qui doit succéder. Or, cet héritier est encore mineur, et son absence ne peut point être considérée de sa part comme un acte volontaire. Ainsi, d'après le raisonnement de ceux qui croient que le roi et le dauphin ont, en abdiquant, fait un acte qui rentrait dans leurs droits et que la nation ne pouvait point annuler, Henri, le fils du duc de Berry, est devenu indubitablement roi de France sous le nom de Henri V. Dans ce parti, toutefois, il y a beaucoup de personnes, et j'ai lieu de croire que leur nombre augmente, qui, ayant accordé au monarque couronné et sacré le droit d'abdiquer, ne répugnent pas à faire un pas de plus, si par là ils peuvent assurer la paix de leur pays, et regardant l'enfant de l'héritier légitime comme un motif d'exclusion, de reconnaître Louis-Philippe héritier de celui-ci comme roi de droit aussi bien que de fait. C'est ce parti qui, selon moi, a les meilleurs arguments à offrir à l'appui de ses opinions. Soit qu'ils sentent qu'une certaine éloquence est nécessaire pour les faire adopter, soit que la conviction de la justice lui fasse un besoin d'épancher son cœur, il est du moins certain que le parti du « parce que » est celui que j'ai toujours trouvé le plus disposé à se livrer à des discussions sur la politique. Et à dire la vérité, il y a beaucoup à léguer en sa faveur, du moins sous le rapport de l'utilité. Je regrette souvent, quand vous écrivant, je sois obligé de consacrer une si grande partie de mes lettres à la politique. Mais en cherchant à vous faire connaître Paris, tel qu'il est actuellement, cela devient absolument inévitable. Si je voulais bannir complètement ce sujet de ma correspondance, il faudrait que je m'efforçasse d'oublier tout ce que j'ai vu et tout ce que je vois. Partout où vous allez, quoi que vous fassiez, qui que ce soit à qui vous parliez, il n'est pas en votre pouvoir d'y échapper. Remarquez bien pourtant que si j'exprime ce regret, c'est uniquement à cause de vous, et en aucune façon pour ce qui me regarde. Quelque ennuyeux que puissent être les détails que je vous donne, la chose par elle-même, une fois que vous vous trouvez dans le tourbillon, est extrêmement amusante. Dans les premiers moments de mon arrivée, j'étais singulièrement embarrassé de voir qu'aussitôt que j'avais noté un renseignement comme indubitable, la première personne m'assurait qu'il ne pouvait me servir à rien, attendu que la personne de qui je l'avais reçu m'avait sciemment trompé. Mais ces temps sont passés pour moi, et quoique je m'amuse beaucoup des divers renseignements que je reçois, j'accorde très rarement ma confiance. J'écoute les carlistes, les henriquinquistes, les philippistes, avec une grande attention et un véritable intérêt, mais sans me décider en faveur des uns ou des autres. À vrai dire, si vous saviez tout ce qui m'arrive, au lieu de me blâmer de trop parler politique, vous me rendriez grâce du soin que je prends et des peines que je me donne pour faire à votre profit, de tout ce que j'entends dire, un résumé qui renferme le moins de contradictions possibles. En vérité, cela n'est point chose facile, non seulement à cause des renseignements contradictoires qui me sont donnés, que par suite de certaines faiblesses inhérentes à mon caractère qui me jettent parfois dans un pénible doute de ce qui est réellement juste ou injuste. En arrivant à Paris, j'étais une légitimiste quand même, prête à m'armer de pied en cap contre quiconque se permettrait de douter qu'un roi, une fois roi, puisse jamais cesser de l'être, qu'une fois couronné, conformément à la loi, il pût jamais être découronné par la populace, ou que le fils aîné d'un homme ne fût pas son héritier légitime. Mais, oh, ces doctrinaires, ils ont une manière si singulière de me prouver que s'ils n'ont pas tout à fait raison, les autres ont du moins beaucoup plus grand tort qu'eux. Ils parlent avec cela si joliment de l'Angleterre, de notre révolution, de notre glorieuse constitution, des malheurs de l'anarchie, et de l'avantage qu'il y a à laisser les choses aller tranquillement comme elles vont. Qu'ainsi que je viens de vous le dire, je commence à ne plus savoir distinguer ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Il y a toutefois un point sur lequel nous sommes parfaitement d'accord, et c'est peut-être là ce qui m'a le plus adouci à l'égard des doctrinaires, c'est qu'ils frémissent au seul nom d'une république. Ce n'est pas parce qu'ils ont un roi pour chef de leur parti, mais c'est évidemment le résultat de l'expérience qu'eux et leur père ont faite par la terrible épreuve déjà une fois tentée dans leur patrie. Vous ne connaîtrez tout le prix de votre constitution que quand vous l'aurez perdue, me dit l'autre jour un doctrinaire, dans le salon de la belle princesse de B, jadis propagandiste zélé et maintenant dévouée aux doctrinaires. Vous ne saurez combien elle agit d'une manière favorable sur le bonheur de toute votre existence que quand M. O'Connell aura trouvé moyen d'arranger pour vous une république. Quand vous en aurez goûté pendant quelques mois, vous deviendrez de bons et fidèles sujets du nouveau roi que le ciel vous accordera. Vous n'ignorez pas l'attachement de la France pour l'empereur, de qui pourtant la police était assez sévère et les impôts assez lourds. Mais il nous avait sauvés d'une république et vous l'admirez. Il y a 5 ans, nous fut menacé de nouveau pendant quelques jours, ou pour mieux dire, pendant quelques heures, de cette terrible apparition. Le résultat en est que 4 millions d'hommes, sont maintenant armés pour protéger le prince qui a chassé la République. Si elle se montrait une troisième fois, ce dont le ciel nous préserve, vous pouvez être assuré que le monarque qui monterait après cela sur le trône de France pourrait jouer au quille avec ses sujets sans que personne songeât à se plaindre.